Déjà, tu prépares tout ton matériel la veille. Par exemple, si tu vas le week-end, tu prépares ça le vendredi. C'est-à-dire, tu prépares tes appâts, ton appât, non, tu peux prendre des vers de terre, des asticots. Par contre, tes vers de terre, j'ai remarqué une chose, c'est plus. Qui c'est qui vient de dire ça? Tu t'écrases, Pedro, mais ça. Ouais, ben, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi.